C'était la chanson Zay du chanteur Mohamed Mounir. Zay qui veut dire ça suffit, autrement dit y en a marre. C'est ce qu'ont crié les Égyptiens pendant des semaines et des semaines, et ce qui a marqué les révoltes et la chute de Moubarak. Et c'est sur ce sujet-là, enfin entre autres, les conséquences de ces révoltes-là qui sont les élections. Et c'est sur ce thème-là que nous allons discuter avec Monsieur Walid El Khacheb, qui est professeur d'études arabes à York University, afin d'analyser les résultats du premier tour que nous avons pu obtenir il y a 2 jours. Des élections en Égypte. Donc bonsoir Monsieur El Khacheb, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de pouvoir nous éclairer davantage sur les derniers résultats du premier tour en Égypte. Alors juste pour rappeler donc à nos auditeurs que il y a eu les élections législatives en janvier dernier, ce qui a permis aux frères musulmans d'avoir 222 sièges et au parti salafiste An-Nour d'en avoir 112, ce qui constitue respectivement 44,6% et 22,5%. Et là, nous avons eu les élections présidentielles. Donc, et au premier tour, les deux principaux candidats sont Mohamed Morsi, le candidat des frères musulmans, et Ahmed Shafiq, qui est, il faut le rappeler, un symbole de l'ancien régime Moubarak. Donc, comme ça, à chaud, Monsieur El Khacheb, que pensez-vous de ces premiers résultats ? C'est un résultat très décevant pour beaucoup de gens, très inattendu pour beaucoup d'observateurs, mais c'est un résultat porteur d'un certain nombre d'informations sur l'évolution très rapide de la société égyptienne. Il est intéressant de remarquer que les frères musulmans ont obtenu 44% pour les législatives, alors que leur candidat qui se présente au présidentiel 6 mois plus tard a obtenu 24% seulement. Donc ils ont perdu 20% en 6 mois. C'est quand même phénoménal. Évidemment, le fait que le candidat qui vient en deuxième soit Shafiq est très très étonnant. Mais à mon avis, c'est la preuve que l'armée égyptienne, qui est au pouvoir depuis la chute de Moubarak en Égypte, continue de tenter tant bien que mal de manipuler la transition vers ce qu'on espère être une démocratie. Shafiq aurait dû ne pas être sur le bulletin de vote puisqu'il y avait eu une loi dite d'isolation politique qui interdisait que les membres de l'ancien régime Moubarak se présentent aux élections, mais la commission électorale, qui est clairement subi des pressions de la part de l'armée, a accepté que Shafiq soit là. Oui. Et résultat, le voilà au deuxième tour des élections présidentielles. Oui, effectivement, je pense que la surprise était grande pour beaucoup d'Égyptiens, mais aussi pour beaucoup d'observateurs étrangers, malgré la loi de l'isolement politique, comme vous l'avez rappelé, qui a été votée par le Parlement le 12 avril dernier. Shafiq a quand même pu se présenter. Et est-ce qu'on peut prévoir peut-être que sa candidature soit annulée ? Est-ce qu'il y a encore des chances qu'il se retire de la présidentielle ? Il y a une chance théorique, mais beaucoup d'observateurs ont dit que c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire, en théorie, la Cour suprême va statuer sur la constitutionnalité de la loi. Et en vertu de cette constitutionnalité, si la constitutionnalité de la loi de l'isolement politique est reconnue, donc Shafiq devrait être banni du vote. Oui. Le problème, c'est que la Cour constitutionnelle est encore en train d'étudier le dossier et a clairement déclaré très récemment que le processus est en cours et qu'il n'y a pas encore de date fixée pour le procès. Donc très vraisemblablement, la Cour constitutionnelle ne pourra pas prononcer son jugement avant la tenue du deuxième tour des élections. Oui, qui devrait être pour le 16 et 17 juin prochain. Effectivement. Donc, pour rappeler un peu les chiffres quand même, ce qui sont importants, donc Mohamed Morsi a obtenu 5,7 millions de voix, Ahmed Shafiq a récolté 5,5, le troisième candidat Hamdine Sabahi en a eu 4,8, et les deux derniers qui sont Aboul Foutouh et Amr Moussa ont eu 4,06 et 2,5 millions de voix. Et la question qu'on se pose, c'est qui a voté pour Ahmed Shafir? Qui sont les 5,5 millions de personnes qui ont voté pour l'ancien ministre de l'aviation civile, Sumu Barak, et qui également a été nommé à la tête du gouvernement les derniers jours au pouvoir de Moubarak? Donc, selon vous, qui sont les électeurs qui ont voté pour Shafir? Qui est ce 5,5 millions d'Égyptiens? Étonnamment, ce sont des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les classes sociales, de toutes les communautés culturelles. D'abord, je voudrais souligner que tout le monde pensait que les deux candidats qui arriveraient au deuxième tour seraient les candidats qui sont en fait arrivés quatrième et cinquième, oui. Moussa et Aboul Fatouh. Oui. Je pense que le fait qu'il y ait eu tant de publicité négative portant sur ces deux candidats a encouragé beaucoup d'Égyptiens à voter pour d'autres candidats. Ce qui a fait que certaines gens, au lieu de voter Moussa, ont voté Shafik. Moussa et Shafik représentent le même profil, c'est-à-dire des hommes qui ont servi sous Moubarak, des hommes qui sont connus pour être des laïcs, mais également des hommes dont la réputation est entachée à cause de leur association avec Moubarak. Moussa était entre guillemets un moindre mal dans la mesure où depuis 2001 il n'était plus ministre, il était le secrétaire général de la Ligue arabe, donc oui. Il n'est pas directement associé à Moubarak. Et puis ce n'est pas un militaire. Shafik, lui, c'est vraiment l'extension de Moubarak, puisque oui. C'est un officier de l'armée de l'air comme Moubarak, c'est un ami personnel de Moubarak, et comme vous l'avez dit, au cours des derniers jours du régime de Moubarak, Shafik a servi comme premier ministre de l'ancien régime, si vous voulez. Ceux qui ont voté pour Shafik, ce sont d'une part ce sont essentiellement les gens qui pensent que Shafik pourrait ramener la loi et l'ordre. En oui. Égypte, souvent c'est le chaos, la criminalité a beaucoup augmenté. Et il est très clair qu'il y a aussi des violences programmées par on ne sait qui, ou alors on le sait trop, puisque souvent vous trouvez des bandes armées ou ce qu'on appelle les voyous ou les costauds qui se promènent soudain sur la place publique et qui attaquent surtout des manifestants qui s'opposent au pouvoir ou aux militaires au pouvoir en Égypte. C'est un peu ironique que certaines gens pensent que c'est le candidat de l'armée qui va ramener l'ordre qui est en fait troublé à cause de l'inaction de l'armée et pour certains à cause de l'instigation de l'armée. Mais oui. Y a quand même beaucoup de gens qui ont accepté cette thèse-là. Shafik étant un ancien militaire pourrait amener l'ordre, disons, en Égypte. Oui. Et est-ce qu'on pourrait aussi supposer, enfin, c'est pas une conclusion, mais est-ce que les minorités religieuses ont voté, selon vous, Shafik, ou il y a eu vraiment un vote plutôt dispersé entre le nationaliste Hamdan Sabahi et Amr Moussa ou autres? Bien, je vous remercie d'avoir posé la question, parce qu'il y a des rumeurs révoltantes qui circulent sur le net. Très probablement des rumeurs, mal intentionnées, visant à semer la zizanie au sein de la société égyptienne entre les communautés chrétiennes et la communauté musulmane majoritaire. Il y a des gens qui prétendent que le candidat numéro 1, ou celui qui est arrivé en premier, étant le candidat des frères musulmans, donc ceux qui ont voté pour Shafik étaient majoritairement les chrétiens égyptiens. C'est faux, parce oui. que on constate que dans les gouvernorats où il y a la plus grande concentration démographique chrétienne, donc dans les provinces du sud de l'Égypte où il y a une très grande concentration démographique chrétienne, Shafik n'a pas du tout gagné. C'est plutôt Sabahi, le candidat qui est arrivé en troisième position, oui. qui a été gagnant. Ça prouve donc que la majorité des chrétiens ont voté plutôt Sabahi. le candidat nationaliste qui est arrivé en troisième. Oui. Ceux qui ont majoritairement voté Chafik, c'était dans les provinces du nord de l'Égypte, à l'extérieur des grands centres urbains. Donc, essentiellement, la plupart de ceux qui ont voté Chafik viennent de petites villes dans le nord de l'Égypte, qui est majoritairement habitée par des musulmans. Le vote chrétien en Égypte a été dispersé. Quand je parle avec des amis, je vois qu'il y a des gens qui ont voté pour Moussa, d'autres qui ont voté pour Sabah et d'autres qui ont voté pour Chafik. Mais comme je vous ai dit, le fait que Sabahi, le candidat arrivé en troisième position, ait été majoritaire dans les provinces densément peuplées par des chrétiens, prouve que Chafik n'a pas été élu à cause d'une présupposée crainte des chrétiens égyptiens face à la montée des frères musulmans. Oui. Et puis, juste à rappeler à nos auditeurs, donc Sabahi, le nationaliste, a obtenu quand même 4,8 millions de voix, ce qui le met en troisième position, et puis il n'est pas très loin des deux autres, malgré tout. C'est l'arrivée de Sabahi en troisième position, avec à peu près 23% des voix, et est une très grande surprise. C'est intéressant parce que Sabahi se présente comme un Nassérien, comme l'hérité du projet politique du président Nasser. Or, lorsque Nasser est mort, plus de 80% des Égyptiens actuels n'existaient pas encore. Et donc, c'est intéressant de voir que l'héritage politique de Nasser continue d'informer la vie politique aujourd'hui. Ceux qui ont voté Sabahi se souviennent que Nasser a été d'un côté porteur de l'ordre. Évidemment, c'était un autocrate, mais c'était aussi quelqu'un qui faisait la promotion de l'égalité sociale, de la laïcité, d'un équilibre dans la redistribution des richesses. Et ce sont des valeurs qui résonnent avec beaucoup d'Égyptiens aujourd'hui, qui voient dans la société égyptienne actuelle, comme dans beaucoup de sociétés dans le monde, un très grand écart entre les riches et les pauvres, une invasion des économies par les institutions internationales, par les sociétés multinationales. Et donc, Sabah, il représente un petit peu l'équivalent du phénomène de la montée de la gauche modérée dans beaucoup de sociétés en Occident, par exemple. En effet. Et justement, à propos des enjeux qui sont mis de l'avant, ou bien qui ont été mis de l'avant pendant la campagne électorale, quelles ont été les questions cruciales sur lesquelles les débats se sont polarisés ? C'est la première véritable campagne électorale libre en Égypte depuis l'instauration de la République en 1953. Ce sont les deuxièmes élections présidentielles de l'histoire de l'Égypte où il y a plusieurs candidats qui se présentent aux élections. Mais la première fois, c'était sous Moubarak et c'était plutôt une comédie. Donc, dans les faits, c'est la première fois que les Égyptiens soient exposés à une campagne assez libre où plusieurs candidats présentent chacun son programme. Donc, on n'est pas très habitué à cette situation. Mais, et donc, il y avait en quelque sorte un chaos, on parlait de tout et de rien, mais les questions essentielles qui revenaient dans la campagne électorale sont les questions qui reviennent souvent depuis la révolution en 2011, c'est-à-dire des questions liées à l'identité. Essentiellement, est-ce que on va opter pour une société à caractère islamique ou bien est-ce qu'on va adopter un système politique qui accepte la multiplicité, qui accepte la laïcité. C'était le débat essentiel. Malheureusement, la question économique, la question de la justice sociale venait toujours dans le cadre d'un débat sur la laïcité versus l'islamisation de la société. Oui, ce qui peut quand même être assez, assez étonnant, puisque les révoltes et la colère qui a été exprimée sur la place Tahrir et partout en Égypte, c'était pas à propos de ces questions-là. Ce n'était pas pour, par rapport à des questions identitaires, mais c'était plutôt contre l'oppression, l'injustice sociale, le manque de liberté civile, etc. Donc comment on peut expliquer d'une certaine manière ce revirement de situation, ou bien poser les questions autrement, alors que les questions fondamentales qui étaient qui ont nourri justement les révoltes n'ont pas été posées pendant cette campagne électorale? Je suis d'accord avec vous. La très grande cause principale de la révolte en Égypte, c'était bien le manque de démocratie, le manque de liberté, et évidemment, il y avait aussi la très grande frustration à cause de l'injustice sociale. Pourquoi la question sociale, la question de la redistribution des richesses, n'a pas été centrale, quoique assez présente quand même, dans les campagnes présidentielles? Je pense que c'est dû au fait que, d'une part, les gens présument qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru sur la voie de la démocratisation, puisque maintenant, en Égypte, il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs candidats présidentiels, et donc il y a une satisfaction relative au niveau de la demande principale, c'est-à-dire la fin du régime de l'autocrate, la fin du règne d'un parti presque unique avec quelques autres partis de décor, la fin d'une situation où le président Moubarak père allait léguer le pouvoir à Moubarak fils. Restait alors la question qui travaille la société égyptienne et beaucoup de sociétés moyen-orientales depuis et nord-africaines aussi depuis plusieurs décennies, c'est la question de l'islamisation versus la laïcité. Pourquoi cette question a été très importante? D'une part parce que un facteur politique important sur la scène égyptienne devient les Frères musulmans, qui était le parti d'opposition le plus organisé et le plus persécuté pendant à peu près 40 ans, sous Sadat, l'ancien président, ensuite sous Moubarak, dont la présidence vient de se terminer grâce à la révolution. Alors, il était tout naturel que les Frères musulmans se présentent comme, disons, l'alternative au parti du président Moubarak. Or, les Frères musulmans se présentent comme des islamistes, comme des gens qui veulent islamiser la société, éventuellement appliquer ce qu'on appelle la loi islamique. Et donc il y avait une réaction normale de beaucoup de partis politiques, beaucoup d'acteurs de la société civile qui étaient très suspicieux de cette islamisation de la société, surtout qu'on a vu que des projets qualifiés de projets d'islam politique en Algérie, en Palestine, en Jordanie, n'ont pas toujours été très très positifs, pour le moins qu'on puisse dire. Donc la question principale a été celle de l'islamisation versus la laïcité. Je dois vous dire aussi que en Égypte, les gens ne sont pas habitués à discuter de l'économie de façon très articulée. On a l'impression que l'économie, c'est une espèce de fatalité qui se règle soit grâce au hasard ou grâce à l'intervention de l'État en augmentant les salaires. Et donc, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'économie. La chose la plus concrète, la chose sur laquelle, ou le dossier sur lequel on pouvait agir et obtenir des résultats, c'est le dossier de l'identité. D'où la concentration de beaucoup de débats, beaucoup de discussions autour de ce choix qui somme toute est parfois un peu fallacieux, disons, entre islamité et laïcité. Justement, et je pense, à mon avis, il faut le rappeler, même si le gouvernement Moubarak ou bien même le candidat actuel Ahmed Shafir se présente entre guillemets comme laïque, ils ne le sont pas, puisque durant tout le règne de Moubarak, l'utilisation par le gouvernement de l'islam, d'un discours politico-religieux était également présent. Et vous faisiez tout à l'heure un parallèle avec l'islam politique en Algérie. On savait que les enjeux étaient autres, même si dans la surface, en fait, d'un premier regard, on pouvait présenter les choses que c'était un conflit entre des groupes islamistes et les progressistes du gouvernement. N'empêche que les questions étaient hautes. C'était une lutte de pouvoir, un rapport de pouvoir inégal, et on occultait les questions économiques qui sont profondes, les intérêts des entreprises étrangères et également l'Occident qui voit ça de l'extérieur et qui contribue justement à alimenter certaines tensions. En tout cas, dans le cas de l'Algérie, c'était très flagrant. Et dans le cas de l'Égypte également, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Que pensez-vous, par exemple, de la position des États-Unis, de l'Union européenne et d'Israël face aux élections en Égypte? C'est-à-dire, on voit beaucoup et on entend beaucoup de commentateurs occidentaux, notamment des États-Unis, qui disent que l'arrivée des frères musulmans au pouvoir est tout naturelle, puisque la démocratie veut qu'on choisisse le parti qui obtient la majorité. En Israël, on voit évidemment d'un mauvais œil le départ d'un allié comme le président Moubarak, et donc on se méfie de l'arrivée de quelqu'un d'autre, notamment d'un frère musulman. Mais je pense qu'il y a beaucoup de rhétorique là-dedans, parce que les observateurs informés savent très bien que les frères musulmans ont toujours eu des liens avec les États-Unis en particulier, qu'il y a eu des entretiens entre des officiers très haut placés, des officiers égyptiens très haut placés, et des responsables américains pendant la révolution. Ce n'était pas un secret, c'était annoncé partout. Et donc on peut prévoir qu'il y a eu des discussions, des consultations sur la suite des choses en Égypte après le départ de Moubarak. Et on voit clairement que tous les commentateurs, favorables à la politique de la Maison Blanche, ont commencé à dire « mais il ne faut pas avoir peur des frères musulmans, ce sont des gens qui peuvent très bien être démocrates ». Ce qui est très possible, les frères musulmans sont un parti conservateur, un parti très très conservateur, mais il n'y a rien dans leur déclaration ou dans leur politique au cours des 30 dernières années qui laisse penser qu'ils vont être des gens violents. Mais ce sont certainement pas, disons, les plus grands libéraux du monde. Par contre, il est clair pour moi qu'il y a, un consensus, voire même un appui, dans plusieurs capitales occidentales pour les frères musulmans. Je pense que on pense que les frères musulmans sont favorables aux politiques néolibérales, ce qui est très vrai en majorité. Oui. On pense que les frères musulmans vont être porteurs de l'ordre, ce qui ne me semble pas assez vrai. Je pense qu'on a vu que les frères musulmans sont capables de mobiliser leurs clients, sont capables de mobiliser leurs électeurs, mais qu'ils ne sont pas capables de stabiliser la société, précisément parce qu'ils ne jouissent pas d'un très grand appui au sein de la société égyptienne, comme le prouvent les résultats des dernières élections présidentielles. Ils ont obtenu à peu près le quart des voix seulement. Ce qui fait que nous nous trouvons dans une situation où l'Occident, encore une fois, ne fait pas assez, disons, ou en tout cas les gouvernements occidentaux ne font pas assez, parce que on se donne bonne conscience en se disant « ok, on va appuyer les frères musulmans, c'est la démocratie », sans essayer de faire pression pour que l'on introduise des mesures qui favorisent le pluralisme, le véritable pluralisme. Et je pense que en Occident, il y a beaucoup de politiciens qui ont peur du véritable pluralisme, parce que quand vous avez une société vraiment pluraliste, vous ne pouvez pas la contrôler. Oui, absolument. Juste à rappeler que le taux de participation était quand même de 46%, ce qui n'est pas très élevé, sachant que c'est la première occasion où les Égyptiens avaient la possibilité de voter et d'espérer un vrai processus démocratique. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu un désenchantement très rapide au sein de la population égyptienne quand on voit que à peu près les deux tiers des électeurs ont participé à l'amendement de la Constitution dans les mois qui ont suivi la révolution. On voit que ce taux a baissé d'à peu près encore une fois 20%. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à sentir que le jeu de l'armée au pouvoir en Égypte tend à semer le chaos d'une part et favoriser un candidat qui vient de l'armée d'autre part, même si c'était le premier ministre de Moubarak, et que les gens se sentent écœurés d'un côté, mais aussi se sentent un petit peu incapables de changer par la voie naturelle des élections. Il y a aussi le fait que certains candidats ont été privés, disons, de la possibilité de se présenter. Par exemple, le candidat de l'extrême droite, des groupes extrémistes religieux qu'on appelle les salafistes. Oui. Et ces gens-là, certains se sont abstenus. Les autres, apparemment, d'après les commentateurs, leur voix ont été dispersées entre plusieurs candidats. Et étonnamment, certains de ces salafistes ont voté Shafiq, le premier ministre de Moubarak, parce que certains de ces groupes salafistes ont des liens avec le régime Moubarak. Ils étaient instrumentalisés par le régime, généralement pour faire peur aux communautés chrétiennes et faire peur aux laïcs qui veulent s'opposer à l'instrumentalisation de la religion par l'ancien régime Moubarak. Oui. Ben sur ce, c'est tout le temps que nous avions, Monsieur le Khacheb. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour votre analyse très, très éclairante. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et sur ce, on écoute la chanson Yel Maiden, la très belle chanson égyptienne qui a été un hymne, un hommage aux révoltes. Yel Maiden, qu'on t'ait fait min zaman. معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحده نار وليل وما فيش معاك شيء مستحيل صوت الحريه بيجمعنا خلاص حياتنا بقى ليها معنى ما فيش رجوع